En studio, on a de la belle visite, de la maudite belle visite d'ailleurs en studio ce matin. Tes visites préférées. Ben oui, ben je n'avais choisi deux un matin dans mes préférés dans les duchesses du carnaval, les sept nouvelles duchesses. Il y en a une des deux qui est venue nous voir ce matin. Joanie Roy, la duchesse de la Haute-Saint-Charles. Bienvenue à Choix. Merci. Hey, toi, c'était-tu... pourquoi tu avais décidé à l'origine de devenir candidate d'abord pour être devenir duchesse du carnaval? C'est-tu parce que tu veux faire une carrière en communication, te faire des contacts? Qu'est-ce qui t'avait motivé à te présenter? Il y a plusieurs raisons qui m'ont motivée. D'abord, je finis mon deuxième cycle en décembre en relations publiques, puis j'ai fait mon bac en marketing. Donc à la base, les contacts m'ont beaucoup intéressée dans le sens que les jurys, c'était des femmes d'affaires vraiment de carrière. Puis je me disais que toutes les gens que j'allais côtoyer, ça allait être super bien pour un avancement professionnel et personnel. Aussi, le projet m'interpellait beaucoup. J'ai fait beaucoup de projets pendant mes études. J'ai organisé des showmas en administration 2 années de suite. Puis, donc, le volet organiser un événement, ouais, ça te plaisait aussi? Ça me fait triper, oui, organiser des événements. Connaissais-tu le principe des duchesses? As-tu connu la belle époque des duchesses à Québec? En fait, non. Comment on t'a présenté ça avec le retour, tu sais, hein, puisque moi, veux pas, je suis plus vieille, fait que j'ai un historique, je rêvais qu'il y ait un duché à Jonquière, fait que je trouvais ça donc bien séduisant. mais quelqu'un qui l'a pas connu, c'est attirant malgré tout. Ben moi à la base c'est des personnes mettons des personnes plus ma mère ou ma famille qui me disaient il faudrait que tu le fasses, tu serais bonne, puis c'est organiser un événement cette année, c'est du renouveau, c'est ça serait parfait pour toi tout ça. Donc là j'ai commencé à m'informer, puis je me suis inscrite comme ça parce que je me suis dit j'ai une nouvelle mentalité de je prends qu'est-ce qui passe puis un jour ça va fleurir, puis que je me suis dit pourquoi pas, j'essaye de toute façon. Je me suis lancée là-dedans, puis je pensais jamais me rendre aussi loin. Pour vrai, j'étais pas stressée là-dedans, étant donné que je me disais bon j'essaye puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera, c'est ça. Donc je suis vraiment contente de qu'est-ce qui arrive en ce moment. Je réalise comme c'est quoi, mais à la base qu'est-ce que tu penses de celles qui ont dit, puis souvent c'est des femmes qui se disent féministes, qui ont dit c'est des concours de miss, puis ils disent quasiment que c'est des concours de niaiseuses. Qu'est-ce que t'as à répondre à ces féministes là? Moi à la base je me dis si t'écoutes toujours qu'est-ce que les autres disent, ben tu iras jamais loin dans la vie. Il y a toujours des gens qui vont chialer, il y a toujours des gens qui vont trouver la puce c'est pas correct pour telle raison. Faut aussi s'enlever de la tête, c'est du renouveau, c'est une nouvelle facette, puis je pense que c'est vraiment basé aussi sur une perception, la perception des duchesses des années 50 aux années 90, mais là on est en 2013, la femme a énormément évolué, puis c'est vraiment rendu ça a jamais été un concours de miss premièrement, puis c'en est pas du tout un là, étant donné que il y a le projet, c'est des entrevues super stressantes avec des femmes, des grosses femmes d'affaires, puis c'est des pitch marketing qu'il fallait faire, parler de notre projet. T'es-tu d'accord que c'est quand même un concours, tu sais, c'est le fun, les projets, mais t'es-tu d'accord que c'est quand même, ça reste quand même un concours de personnalité? Puis dans la personnalité, je vais inclure la beauté, le charisme, le sourire. C'est un peu ça quand même, le concours des duchesses. Oui, dans le sens que un projet sans personnalité, ça a aucune couleur. Donc oui, la personnalité, ça va toujours rester. Je veux dire, n'importe quelle personne qui va se présenter dans une entrevue ou quoi que ce soit, si t'as pas de personnalité, tu vas pas loin dans la vie. Fait que oui, c'est un concours de personnalité aussi. Parle-nous de ton projet, là. Festival du Nord, c'est quoi ça? C'est-tu le plan Nord de Jean Charest, revu à la sauce des duchesses? C'est quoi ça? Non, pas du tout. En fait, c'est une activité extérieure. Je voulais rassembler. Je voulais faire de quoi de simple, de quoi de vraiment convivial. Je voulais pas quelque chose de ponctuel qui demande, parce que je sais que les gens sont super occupés avec les enfants puis tout ça. L'horaire de vie, je suis très chargée. Donc, je voulais un festival que les gens peuvent juste venir prendre un café si ça leur tente. S'ils veulent rester 2 heures, tant mieux. Puis dans le fond, il va y avoir plusieurs activités sur place. Des glissades, du patinage, chasse au trésor avec beaucoup de prix à gagner. Il va y avoir le Cosmos aussi qui m'appuie vraiment là-dedans, qui vont distribuer des bouchées gratuites tout au long de la journée. Pâtisserie, chocolat chaud, aussi la pétanque sur neige pour les personnes âgées, transport inclus gratuit. Aussi, j'avais pensé inclure les Premières Nations, étant donné qu'ils sont dans mon duché. C'est puis vrai? Je trouve la culture super intéressante. Là, il faudrait que je les approche. Là, j'ai su hier que je t'ai prise, donc je vais les approcher sous peu, sauf que j'aimerais vraiment ça les inclure dans mon projet, puis voir de la musique aussi festive tout au long de la journée, puis je veux que ce soit un rassemblement. Ben Joanie, merci beaucoup, bravo, puis merci. D'après moi, tu vas assez bien représenter le secteur Haute-Saint-Charles, d'après moi, là, pour le concours, pour être la reine. Bravo, puis félicitations, puis bon carnaval. Tu veux pas être la reine, t'aspires pas à ça? Non, on est une équipe, puis... Attention, là, c'est parce qu'il faut qu'on vende des bougies, là. Pour que ça reste compétitif. La couronne, là. Tout, là. Puis le rêve des petites filles d'être la reine, voyons donc. Non, non, c'est pas le rêve de la couronne, là. Pas du tout. C'est, on va s'entraîner ensemble, puis on va vendre des bougies ensemble. Puis ça va, je pense, je vois plus ça comme une expérience d'équipe, puis on a déjà vraiment une belle chimie, donc. Eh, merci beaucoup, Joannie. Joannie Roy, la duchesse, donc, de la Haute-Saint-Charles. Merci beaucoup. Bon carnaval. On va être là. On va aller voir ça, le couronnement, toute la kit. OK, il est 9h, ben oui, merci. 9h22, ben c'est